Chapitre 7e. La fureur de Benoît fut épouvantable quand il se vit enfermé dans la caverne des Aramichaux. On sait que la mansuétude n'était pas la vertu prédominante du digne Argousin. Aussi donna-t-il cours à sa brutalité avec toute la surabondance dont sa rageuse nature était susceptible. Jamais les Indiens, fort experts en manifestations extérieures de colère ou de douleur, n'avaient rêvé pareil débordement d'imprécations et de blasphèmes. Ce ruissellement de malédictions, ces furieux éclats de voix, cet incommensurable travail des cordes vocales, joint au jeu de physionomie de l'aventurier, donnèrent au brave sauvage une haute idée de lui. D'autant plus que ses compagnons atterrés, gardant un silence plein de stupeur, cette colère de première classe ne pouvait être que le fait d'un grand chef. L'accès dura près d'un quart d'heure, puis Benoît, à bout d'haleine et de salive, se tut. Il finit par où il aurait dû commencer, et se mit en devoir d'étudier les moyens d'évasion. Après avoir tourné comme un ours en cage, inventorié les recoins de la caverne, tenté mais inutilement d'ébranler la roche fermant l'ouverture, il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur le sol, en proie à une prostration incroyable chez un tel homme. « Eh bien, chef, tu ne dis rien ?» demanda presque timidement Tanguy la brute. Le forçat familiarisé jadis avec les cachots n'éprouvait pas cette atroce impression de claustration qui écrase en quelque sorte l'homme habitué au grand air. « Et que veux-tu que je dise ? Je suis tout abruti de l'aventure. Les évasions, ce n'est pas mon fort. J'étais habitué à boucler des fagots, enfermer des forçats, et non pas à pratiquer moi-même leurs manœuvres. » En dépit de la gravité de la situation, les trois évadés se mirent à rire. Cet aveu dépouillé d'artifice dans la bouche de leur ancien surveillant les comblait d'aise. « Vois-tu, chef, » dit sentencieusement Bonnet, « si le geôlier mettait à garder les forçats, la centième partie de la vigilance que ceux-ci déploient dans la conception et l'exécution de leurs desseins, il n'y aurait jamais d'évasion. » « Le prisonnier réussit dans son entreprise en y pensant toujours. »« Eh bien, dépêche-toi donc de penser toujours à nous tirer d'ici, car vous vous entendez bien mieux que moi à ouvrir une porte. »« Bien fait d'une éducation soignée, » reprit ironiquement le coquin. « Voyons, pas de discours, hein, à chacun son lot et son rôle. J'ai mes aptitudes, vous les vôtres. Bonnet, toi qui es un malin entre tous, un vrai fils de soi, prends le commandement et organise quelque chose. Tu verras si je sais obéir. » Ça, c'est parlé. À l'œuvre, car il ne fera pas bon ici pendant longtemps. Nous avons quelques provisions, mais pas une goutte d'eau. Ceux qui nous ont enfermés ici savaient bien ce qu'ils faisaient en détournant le cours du ruisseau. Tu crois que la crique souterraine a été tarie à dessein ? J'en suis sûr. Nos ennemis, certainement inférieurs en nombre, n'ont pas osé nous attaquer. Il leur a paru plus rationnel de nous faire périr de faim et de soif. Tiens, c'est bien possible après tout. Mais faudra voir. Nous serons dehors avant 2 jours, où je ne veux plus être, comme tu le disais tout à l'heure, la fine fleur de tes anciens pensionnaires. Allons, au trot, le temps presse. Si j'en juge par les mines allongées du brave Akumbaka et des hommes de sa troupe, ils trouveraient entre nous la plaisanterie un peu forte, si elle devait se prolonger. Commençons par tracer notre plan. Nous avons heureusement des bras. La besogne sera simplifiée d'autant. Tu vas d'abord faire attaquer la roche par nos alliés. C'est bien le diable si, avec leurs sabres, ils n'arrivent pas à la déblayer. N'avons-nous pas percé seuls, sans lumière, sous l'œil des gardiens, les murs des geôles avec des clous, des morceaux d'écuelle ou même des fragments de verre? Pendant ce temps, je vais inspecter minutieusement le local. Le bandit prit une torche et s'enfonça sous les galeries conduisant au fond de la caverne. Les tiots et les émérions, stimulés par l'alcool que leur versa généreusement Benoît, attaquèrent vigoureusement le monolithe obstruant l'entrée. Le résultat parut en principe assez satisfaisant. Pendant quelques minutes, le travail de sape avança rapidement, tant était friable la terre mi-cassée. Mais bientôt les sabres rencontrèrent la diorite, sur laquelle ils rebondirent en lançant des gerbes d'étincelles. La roche possédait une dureté défiant l'acier lui-même. Il eût fallu des fleurets de mine pour entamer après un labeur écrasant ces plaques luisantes, pétries pendant des milliers de siècles par cet incomparable ouvrier qui se nomme le temps. L'ancien surveillant sentit une légère moiteur à la racine de ses cheveux. Un frisson glacé serpenta le long de son échine en constatant l'inutilité des plus énergiques efforts. Le boyau donnant accès à la grotte était une coupure pratiquée jadis en plein roc par une convulsion géologique. C'était une sorte de tube épileptique de 4 à 5 mètres de longueur sur 1,50 m de hauteur. Il s'évasait à l'entrée et le rocher qui l'obstruait se trouvait comme scellé dans cet entonnoir au pavillon situé extérieurement. Impossible d'attirer en dedans cette pierre plus volumineuse que le couloir. Impossible aussi de la pousser au dehors, car elle était maintenue sans doute sous un amas considérable de matériaux. Toutes les tentatives devaient être inutiles de ce côté. Bonnet revenait à ce moment après une exploration également infructueuse. Son visage de fouine ne révélait aucune trace d'émotion, tandis que la face brutale de Benoît, douloureusement contractée par l'angoisse, ruisselait de sueur. « Rien, » murmura-t-il, altéré, « rien. Nous faut-il donc mourir ici ? J'avais tout prévu, sauf ce supplice horrible. Être enterré vivant, jamais. J'aimerais mieux me faire sauter le crâne. »« Gribouille, va !» riposta sardoniquement le forçat. « Est-ce que tu aurais peur ?»« Je crois que oui. »« Allons donc, poule mouillée. Je ne suis pas encore au bout de mon rouleau. » Mais les Indiens, qui ne comprennent rien à l'affaire, commencent à hurler. Si cela continue, ils vont nous écharper. Fais-les boire. Le remède est pire que le mal. Le tafia va les rendre furieux. Tu les feras battre. Qu'ils se tuent mutuellement. Nous mangerons les morts pour gagner du temps. Tu n'as donc aucun espoir? Aucun pour le moment. Je viens chercher une torche et je retourne là-bas. Je vais venir avec toi. Je ne puis plus tenir en place. De plus, il m'est impossible de résister à l'odeur de ce cadavre qu'ils ont voulu quand même amener jusqu'ici. Tinguy et Mathieu vont leur donner du tafia. Moi je m'en vais. Mon cœur se soulève. Viens donc, puisque tu n'es plus bon à rien. Tu porteras la lumière. Les deux hommes, après une marche lente, quoique facile, arrivèrent bientôt au bord du torrent desséché. Bonnet scrutait avidement le fond de la sombre coupure et murmurait en aparté. S'il nous reste une chance de salut, c'est là qu'elle se trouve. Car en somme, l'eau pénétrait ici par une ouverture quelconque et sortait par une autre. Qu'en dis-tu, chef ? Une rauque exclamation fut la seule réponse de Benoît qui glissa brusquement et dégringola en lâchant sa torche. « Benoît ! » cria le forçat sérieusement alarmé. « Benoît, es-tu blessé ? Réponds-moi. »« Non, » répondit enfin le surveillant d'une voix sourde. « Mais je suis à moitié assommé. Rien de cassé pourtant. Plus de peur que de mal, va. »« Voyons, reprends ta lumière. »« C'est bien, éclaire-moi. Je vais venir te rejoindre. Il n'y a guère plus de 2 mètres de contrebas, n'est-ce pas ?» « À peu près, mais prends garde aux pointes des roches, c'est miracle que je ne sois pas éventré. »« C'est bon, on y va, » répondit le forçat en se suspendant par les mains et en se laissant mollement aller sur la pointe des pieds. « Une et deux et là, douceur. On est partout comme chez soi quand on sait s'y prendre. »« Aïe, oh là là, qu'est-ce que tu as encore ? Je ne peux plus marcher. »« Eh bien cours, je crois que j'ai attrapé une entorse. »« Fichu maladroit, il ne manquerait plus que cela. » « Non, je me sens mieux. Ma jambe est tout endolorie, mais je peux m'appuyer sur elle. Alors, en route !» Les deux aventuriers suivirent patiemment le lit de la rivière dont le cours enchevêtré offrait les capricieux lacis d'un inextricable labyrinthe. Ils s'aperçurent bientôt qu'ils montaient rapidement. Ils devaient avoir atteint une altitude égale au moins, sinon supérieure, à la voûte de la grotte. « Ça va !» disait Bonnet à son compagnon clopinant derrière lui. « Ça va très bien. Les bonnes gens qui nous ont enfermés ici... ne se doutaient guère qu'ils assuraient notre salut en voulant nous priver d'eau. On ne pense pas à tout. Tiens, je te le disais bien, regarde là-haut. Oh, de l'air, de la lumière ! Hurla Benoît, en apercevant à 2 mètres au-dessus de sa tête une mince ouverture par laquelle on entrevoyait un coin de ciel bleu. C'est par là que l'eau se déversait dans la grotte. Nos imbéciles ont établi un bâtard d'eau un peu en avant du trou, sans savoir que ce maigriot de Bonnet saurait bien s'y glisser. Comment ? Tu espères passer par là ? Parbleu, je me suis évadé de la prison de Pithiviers par un trou un tiers moins large que celui-ci. Vois-tu ? Je suis une véritable anguille. Le geôlier, un brave homme un peu bêta, m'avait donné une feuille de papier blanc. J'y dessinais une guillotine et je collais mon œuvre d'art à la muraille. Je passerai par là, lui disais-je chaque fois quand il m'apportait ma pitance. J'espère bien que non, répondait-il invariablement. Le pauvre diable croyait que je voulais parler de l'échafaud. Quand il s'agissait d'une ouverture que je creusais avec une patte de fenêtre et que dissimulait mon dessin. Un beau matin, je pris la clé des champs, après avoir écrit sur ce même papier « Je pars pour les vendanges ». 15 jours après, j'étais pincé dans le cellier d'un paysan dont je buvais le vin doux. Je lui avais emprunté par la même occasion quelques milliers de francs que l'on trouva sur moi. Comme j'étais ivre-mort, je fus bien gentiment emballé, conduit à Orléans et pourvu d'un billet de dernière classe pour la maison d'arrêt de Poissy. « Allons, assez causé, déménageons comme à Pithiviers. » Deux mots encore. Une fois en plein air, je vais retrouver l'entrée de la caverne, la déblayer, enlever tous les objets qui empêchent la roche d'obéir à la poussée imprimée à l'intérieur. Quand tout sera paré, j'enverrai un coup de sifflet. Vous réunirez tous vos efforts, et c'est bien le diable si vous ne réussissez pas à la démarrer. « C'est compris, » répondit Benoît, auquel la perspective d'une liberté prochaine rendit toute son énergie. « Attends un moment, je vais marcouter le long de la paroi. Bon, c'est cela. Maintenant grimpe sur mes épaules. Voilà qui est fait. Mes mains atteignent le rebord du basistas. Il y a juste la place pour ma tête. La peau de mes flancs pourra bien y rester, mais c'est un petit inconvénient. Le reste y passera, car les faillots du pénitencier ne m'ont guère donné de ventre. » Le forçat s'enleva la force des poignets, se rapetissa, s'allongea, tassa ses muscles, s'aplatit et finalement s'engagea dans l'étroite ouverture. Pendant quelques minutes, il resta comme étranglé par le milieu du corps, sans pouvoir avancer ni reculer. Enfin ses bras furent dégagés, il agita désespérément ses jambes, son ossature craqua, sa chair saigna. Il poussa un long cri d'allégresse, il était libre. Cette première et indispensable manœuvre étant couronnée de succès, le plan du gredin reçut bientôt son exécution et ses prévisions se réalisèrent de point en point. Retrouver l'entrée de la caverne fut pour lui l'affaire d'un moment. La roche formant bouchon était surchargée de plusieurs quinteaux de pierre entassés de façon à former une éminence que la mine eût pu seule soulever et désagréger d'un seul coup. Bonnet fit tant et si bien qu'après 2 heures d'un travail acharné, il ne restait plus trace de ce tumulus élevé par les aramichots lors de leur fuite précipitée. Les prisonniers réunirent leurs forces, coordonnèrent leurs mouvements, et la poussée fut telle que le bloc diorytique oscilla, puis roula comme un tonnerre jusqu'au bas de la colline. Un long hurlement de joie et de triomphe sortit de la poitrine des Blancs à la vue du soleil dont ils n'espéraient plus contempler les ardents rayons. Les Indiens chantaient et gambadaient à la suite du cadavre du piaille plus décomposé que jamais. Cédant enfin aux objurgations de Benoît, ils consentirent à l'enterrer non loin de la caverne, après avoir toutefois coupé sa longue chevelure, à laquelle les honneurs funèbres seraient rendus en temps et lieu. Les Peaux-Rouges, complètement ivres et parfaitement abrutis, avaient été presque insensibles à cette claustration qui eût pu leur être fatale. Leur retour à la lumière, à la vie des grands bois, les laissa impassibles. Leur unique pensée était de rentrer chez eux avec la chevelure du piaille, afin de recommencer la cérémonie funèbre accompagnée de plantureuses rasades, ne voyant pas pour le moment de prétexte légitimement de nouvelles absorptions de Kachéri ou de Vikou, Akombaka, soucieux du bonheur de ses sujets autant que du sien propre, voulut donner le signal de la retraite. Il avait en somme tenu sa promesse. Le chef blanc avait pu, grâce à son aide, atteindre son but, à lui maintenant de remplir ses engagements. Il était temps de rallier la crique et de partir en guerre contre les Bonnie et les Polygoudou. Mais Benoît ne l'entendait pas ainsi. Les Peaux-Rouges étaient de trop précieux auxiliaires pour qu'il consentît non seulement à quitter la place, mais encore à se priver de leur service. Comme il connaissait admirablement les faiblesses de ces grands enfants naïfs, avides et paresseux, il ne lui fut pas difficile de les séduire de nouveau. « Le chef des Hommes Rouges, dit-il sentencieusement, renonce-t-il à punir le meurtrier du piaille de sa tribu ? Est-il à ce point dégénéré qu'il oublie comme une vieille femme l'injure faite à lui-même et à ses guerriers ?« Mes jeunes hommes, répondit piteusement l'ivrogne, n'ont plus de provisions. La faim cruelle va hurler dans leurs entrailles. Ils n'auront plus de force pour combattre les nègres du Maroni. Qui donc défendra leurs femmes, leurs enfants et leurs vieillards si la famine les abat et leur enlève toute leur énergie ? Mais l'honneur des Hommes Rouges n'est-il pas préférable à tout ? L'Indien ne marche au combat que quand il n'a pas faim. L'Indien ne marche au combat que quand il n'a pas faim, riposta le chef en paraphrasant inconsciemment, cela va sans dire, ce mot du maréchal de Saxe, le soldat ne se bat que quand il a mangé la soupe. Qu'à cela ne tienne, reprit Benoît, je conduirai le chef et ses guerriers dans un abattis, comme nul Indien n'en a vu depuis que Gadou, le grand maître du monde, a créé les hommes, les animaux et les forêts. Mon frère, dit-il la vérité, le chef blanc ne ment jamais, dit impudemment le coquin. Quand mon frère montrera-t-il cette abattie à celui qui vient déjà et à ses guerriers? Lorsque le soleil se montrera, après s'être endormi deux fois derrière les grands bois, mes frères les émérillons et les tios fouleront les champs de patates, d'igname et de manioc. Ils nageront dans l'abondance et pourront passer sans travailler le prochain hivernage. C'en était trop. Et les arguments du blanc étaient vraiment irrésistibles. Il fut convenu que l'on partirait sans plus tarder pour ce mystérieux pays de Cocagne, où il ferait si bon manger, boire et dormir, sans autre peine que de préparer les aliments et les liqueurs fermentées. L'on se mit en marche à la grande joie de Benoît qui, ennuyé de son pontificat, reprenait brusquement ses prosaïques habitudes en parlant à ses complices. « Ouf !» dit-il à Tinguy, qui ne comprenait rien à l'entretien, mais admirait de confiance. « J'ai encore une fois sauvé la situation. »« Et moi j'ai sauvé la caisse !» répondit le forçat, en montrant son épaule rougie par la bretelle de la musette qui lui battait le flanc. « Tiens, c'est vrai, la pépite, je l'avais presque oubliée. Moi pas, ce bon jeune est... C'est qu'on n'en trouve pas souvent autant dans le talon d'un Indien. Patience, mes gaillards, patience. Nous aurons avant peu du nouveau. Pourvu que ce soit des cailloux comme celui que je porte, je n'en demande pas davantage. Oh, tu peux me charger comme un mulet. Je marcherai sans me plaindre. » La troupe s'avançait lentement dans la direction de la bonne mer. Le lecteur a de suite deviné que l'objectif des aventuriers était l'Éden des Robinsons de la Guyane. Benoît, de cette façon, faisait un coup de maître. Il pouvait tout à la fois garder à sa discrétion la tribu entière qu'il ferait émigrer ultérieurement vers ce canton fertile et satisfaire sa vieille haine contre Robin. L'ouragan de pluie s'abattit sur eux non loin du lieu où les Robinsons, inconscients du double péril qui les menaçait, avaient établi leur campement. Les gredins entendirent le fracas produit par la chute des colosses déracinés, mais l'aveugle fatalité qui frappait en ce moment des innocents les épargna. La furieuse convulsion de la nature passa comme une colère d'enfant. Les lourdes nuées se dégagèrent et la lune, dans son plein, éclaira de sa lumière sereine les grands bois aux feuilles emperlées de pluie. Les sauvages habitants de la forêt, épouvantés par ce subit écroulement, s'étaient enfuis. Les vastes arceaux de verdure ne répercutaient plus ces multiples bruits de fauves en quête de proie, de halalis sonnés par des larynx de tigres, de cris de bêtes aux abois, de hurlements accompagnant la curée chaude. Tout se taisait encore après ce formidable quas ego de la nature en courroux. Une seule voix rompit ce silence de nécropole. On entendit un cri humain, un gémissement plutôt, un de ces appels angoissés qui trouent le nuage d'agonie flottant sur un champ de bataille. La voix n'appelait pas à l'aide. Cette plainte n'était que l'inconsciente révolte d'un organisme contre la douleur. Les Indiens superstitieux se rapprochèrent craintivement des Blancs. « Tu as entendu ?» chuchota Kombaka, blotti contre Benoît. « Oui, j'ai entendu la voix du piaille qui crie vengeance, » répondit à tout hasard le misérable. L'appel retentit plus vibrant et plus désespéré. « C'est un homme, à n'en pas douter, » continua l'ancien surveillant. « Qui peut bien se trouver en un tel endroit et en un semblable moment ?»« Ah, diable !» Si c'était... Oui, parbleu, si c'était les particuliers qui, après avoir enlevé les pépites de la caverne, nous y ont si gentiment enfermés. » Il fit part de ses impressions à ses complices, qui, comme toujours, partagèrent son avis. Tinguy renchérit encore en prétendant qu'il pourrait bien être en possession du magot. « Tu n'es pas aussi bête que tu le parais, toi, tête de chenet, » reprit Benoît, en donnant au bandit ce petit nom d'amitié réservé pour les grandes occasions. « Allons, en route, et tâchons de débrouiller le fil de cette aventure. » Les Indiens le suivirent, en dépit de l'aversion qu'ils éprouvent à marcher la nuit, aversion qu'augmentait encore en ce moment la terreur inspirée par ce mystérieux appel. La troupe s'avança jusqu'au point ravagé par la foudre. La lune enveloppait de ses limpides rayons le vaste abatti improvisé par l'ouragan. Les arbres restés debout formaient comme une muraille circulaire autour de ce pêle-mêle monstrueux de troncs éclatés, de cimes tordues, de branchages fracassés, de lianes rompues. Une tache blanche, toute petite, se détachait en vigueur sur ce sombre fouillis à quelques mètres à peine des aventuriers. Une brindille sèche craqua sous le soulier de Benoît. L'objet blanc s'allongea, grandit, puis se dressa. C'était un homme paraissant blessé ou tout au moins rudement contusionné. Un des Indiens laissa échapper une exclamation de surprise, peut-être de terreur. « Qui va là ? » cria-t-on en français. « Qui va là vous-même ? » riposta rudement l'Argousin. un blessé qui demande du secours pour ses compagnons et pour lui. Êtes-vous nombreux ? 4. L'ouragan s'est abattu sur notre carbet, et mes compagnons sont enfouis sous les branches, morts peut-être. » continua l'homme, étranglé par un sanglot. « Allons, du courage, ça peut s'arranger, nous allons vous aider. » Benoît s'avança vers l'inconnu, que cette subite arrivée d'une troupe nombreuse ne paraissait ni émouvoir ni même étonner. Un rayon tomba d'aplomb sur sa figure, c'était un tout jeune homme. « Sacrebleu ! » commanda le surveillant stupéfait. « Je dois une fière chandelle au bon Dieu du tonnerre. Mais le diable m'emporte. Ce galopin-là est tout bonnement celui qui accompagnait Robin. Je vous en prie, venez vite à leur secours. Je ne les entends pas remuer. Aidez-moi à écarter ces branches. On y va, jeune homme, on y va de bon cœur. Vous pouvez m'en croire. Oh, merci pour cette bonne parole. Êtes-vous blessé ? Non, mais je suis brisé. Il me semble que tous mes membres sont rompus. Celui-là, dit à voix basse Benoît au chef indien, est l'ennemi de ta race. Veille sur lui et tâche qu'il ne s'échappe pas. Nous allons saisir les autres. Tu vois que Gadou nous protège. » Les trois forçats et les peaux rouges ne restaient pas inactifs. Leur vieille expérience de coureur des bois leur permit d'organiser adroitement les moyens de sauvetage. Pendant que les uns se glissaient sous les basses branches avec leur souplesse de reptile, les autres sabraient avec précaution et tentaient de pratiquer un sentier conduisant sur un point désigné par le jeune homme comme étant celui qu'occupait le carbet. Après une heure de recherche pénible, une voix étouffée sortit de l'épaisse jonchée. C'était celle de Bonnet. Le forçat, grâce à sa prodigieuse agilité, avait réussi à pénétrer, après des peines infinies, jusqu'à l'endroit où gisaient les trois hommes immobiles comme des cadavres. Par un hasard miraculeux, ils se trouvaient étendus sous un grignon colossal qui cassait net à 5 pieds du sol, était resté appuyé sur la base de son tronc rompu en formant un plancher incliné au-dessus d'eux. Ils étaient complètement évanouis, mais sans blessure apparente au toucher. Leur syncope devait avoir été amenée par l'incalculable intensité du choc qui les avait renversés. Les travailleurs s'étaient précipités vers le point d'où partait la voix de Bonnet, qui donnait à son chef, à travers les branches, cette courte série d'explications. Ils pratiquèrent une sorte de puits au milieu de la couche de végétaux qui n'avait pas moins de 7 ou 8 mètres d'épaisseur en cet endroit. Le jeune homme, toujours couvert par le regard inquiet d'Akombaka, était au premier rang des sauveteurs. Sa vigueur et son énergie étaient rapidement revenues. Il abattait une besogne égale à celle de 4 hommes. « Voilà un compagnon auquel il ne faudra pas ménager tout à l'heure la ficelle, » grognait Benoît, que cette force d'athlète inquiétait, en dépit de la présence de ses gardes du corps. Après de nombreux efforts et d'infructueuses tentatives, les 3 blessés, hissés doucement à force de bras au bout des amarres de hamac, furent enlevés près d'un vaste brasier. Le jeune homme poussa un hurlement de joie. Il allait se précipiter vers eux, mais il n'en eut pas le temps. Il tomba rudement sur le sol, la tête et les bras pris sous un hamac, comme dans les mailles d'un épervier, les jambes étroitement ficelées par une liane. « Doucement, mon camarade, doucement !» fit ironiquement Benoît. « Nous avons un petit compte à régler avec ce particulier qui vous ressemble si fort et que je connais de vieille date. » Les 2 jeunes gens et leur père, frottés à tour de bras par les Indiens, reprenaient lentement leur sens. Une gorgée de tafia introduite à travers leurs mâchoires contractées les fit revenir complètement à la vie. Au moment où leurs yeux s'ouvraient à la lumière et se fixaient sur le foyer, avec cet effarement bien naturel d'hommes étonnés de se trouver encore vivants, au moment où leur poitrine se gonflait en aspirant les premières bouffées d'air frais, ils s'aperçurent avec stupeur qu'ils étaient garrottés au point de ne pouvoir faire aucun mouvement. Benoît s'avança lentement vers eux. Il s'arrêta près du brasier dont les lueurs sanglantes éclairaient ses traits farouches. Il arracha brusquement sa casquette à couvre-nuque et s'écria, d'une voix stridente, en regardant bien en face le proscrit, « Me reconnais-tu, Robin ?» Le prisonnier perçut la situation avec la netteté particulière à ceux qu'une perpétuelle existence de lutte familiarise avec les périls de toutes sortes. Il reconnut d'emblée l'ancien garde-chourme et n'honora même pas sa question d'un mot de réponse. Ses traits calmes et fiers conservèrent leur imposante sérénité. Mais le long regard qu'il laissa tomber sur le misérable fut chargé d'un mépris si écrasant que ce dernier crut sentir comme un soufflet s'abattre sur sa joue. Il pâlit et fit un brusque mouvement pour s'élancer sur lui. Comme jadis dans la caverne, les exclamations de rage, les blasphèmes et les injures s'étanglaient dans sa gorge. Il voulait et ne pouvait articuler un son. Il ne savait plus que hurler, beugler, hoqueter. jamais organisme humain ne fut tordé par un plus hideux paroxysme de fureur insensée. Robin et ses fils contemplaient avec une sorte de curiosité froide et dédaigneuse cette scène, et semblaient plutôt des spectateurs désintéressés que les acteurs d'un drame dont le dénouement serait terrible. On eût dit une famille de lions s'amusant des contorsions d'un loup hydrophobe. Les Indiens les forçats se taisaient, étonnés de cette violence avec laquelle ils étaient pourtant familiarisés. « Comme des chiens, oui, vous crèverez tous comme des chiens !» Puis enfin vociférait le bandit. Les lèvres du proscrit s'entr'ouvrirent, et de sa voix calme, bien timbrée, il proféra ce seul mot « lâche ». Cette épithète, sanglée à bout portant, eût pu amener aussitôt une irréparable catastrophe. Elle produisit au contraire sur le misérable l'effet d'une douche glacée. Il se calma comme par enchantement, et sans le frémissement de sa voix encore émue, il eût été impossible de concevoir la violence de l'accès qu'il venait de dompter subitement. « Tu me paieras cela avec le reste. Ma foi, je t'aurais bêtement cassé la tête d'un coup de fusil. Je suis pour les moyens expéditifs, moi. Mais puisqu'il en est ainsi, je vais te laisser entre les mains des Indiens. Tu verras quels habiles tortionnaires. J'assisterai à la séance et je marquerai les points. On te servira le dernier pour la bonne bouche. Mes excellents peaux rouges commenceront par tes compagnons. Ce sont tes enfants, n'est-ce pas? Je sens cela à ma haine contre eux. Ils te ressemblent d'ailleurs comme une nichée de tigre à leur père, de rude gaillard. Nous verrons quelle contenance ils garderont quand mon digne ami Akombaka leur fera ses mamours. Je serai également curieux de savoir si tu feras autant ton matamor quand, après les avoir vus larder par des mouches sans raison, déchiquetés par les fourmis maniocs, ils claqueront là, sous ton nez, comme des crapauds dans du tabac. Les prisonniers restaient toujours impassibles et muets devant ces ignobles fanfaronnades. Leurs yeux seuls, rivés sur ceux du bandit, semblaient le foudroyer d'indicibles regards de mépris. Les peaux rouges, experts en matière de courage, ne pouvaient se lasser d'admirer cette inébranlable fermeté. L'attitude des jeunes gens, les véritables enfants, les frappait d'étonnement et leur respect pour les hommes de la race blanche s'en augmentait d'autant. La fête du lendemain serait magnifique. Il y aurait un incomparable plaisir à leur appliquer les formules les plus raffinées du grand art de bourreau, dans lequel ils excellent. L'ombre du défunt Piaille serait bien vengée, et Masagado ne manquerait pas de lui ouvrir à deux battants les portes du paradis, réservées spécialement aux peaux rouges. Akombaka, n'ayant jamais opéré sur des blancs, n'était pas sans inquiétude, relativement à l'attitude qu'il conviendrait de prendre au moment solennel. Si Benoît ne lui positivement affirmait que cet homme à longue barbe avait pris la forme d'une mouche sans raison pour pénétrer dans le pharynx du sorcier, jamais le pauvre diable n'eût osé porter la main sur des hommes d'une essence à ce point supérieur. Mais l'affirmation du bandit, un blanc aussi, sa présence sur le lieu du supplice avec ses compagnons d'infamie, suffirait à lui communiquer l'aplomb nécessaire. Nul doute que le tafia aidant, il ne se comporta correctement. Benoît lança sur ses victimes un dernier regard de haine et ajouta, en s'adressant plus particulièrement à Robin. « Je n'ai pas besoin de t'expliquer les motifs de ma conduite à ton égard. Nous sommes ici en plein bois, en dehors de toute civilisation, fort heureusement, et sans autre loi que celle du plus fort. Inutile que notre vieux compte à régler ensemble, la raison serait plus que suffisante. Mais plus j'y pense, plus je suis certain que c'est toi, qui, aidé de tes damoiseaux, essaya de nous jeter sur la tête les arbres de la crique et blessa d'une flèche un de mes compagnons. » N'est-ce pas toi aussi qui aida à l'évasion du port rouge, notre prisonnier ? C'est moi, articula nettement Robin. Je n'attendais pas moins de ta franchise. Ton aveu rassure ma conscience, continua-t-il ironiquement. Vous allez passer la nuit ici, on y est très bien. Une demi-douzaine de ports rouges, commandés par un de mes fagots, vous serviront de garde du corps. Vous serez bien gardés. Allons, dormez en paix et ne faites pas de mauvais rêves. À demain. Robin et ses trois fils furent assis côte à côte, le dos appuyé contre un faisceau de feuilles de waï. Un Indien, portant une large calebasse pleine de couacs, vint leur mettre à tour de rôle devant la bouche des boulettes de l'épaisse bouillie qu'ils refusèrent. Un autre apporta un couille plein d'eau. Ils burent quelques gorgées qui leur procurèrent un soulagement inexprimable. Benoît s'était retiré. Les peaux rouges veillaient sous le commandement de Bonnet, que l'Argousin avait mis rapidement au courant de la situation. Les prisonniers conversaient à voix basse, mais en anglais, au grand désappointement du misérable qui eût bien voulu savoir ce qu'ils disaient. Il ne chercha pas à leur imposer silence, car le chef avait donné l'ordre de les laisser communiquer entre eux. non par humanité, mais parce qu'il espérait que ces suprêmes confidences, cette solennité douloureuse du dernier entretien, amèneraient chez eux un moment de faiblesse. Son attente fut déçue. Les Robinson, ces athlètes au moral comme au physique, avaient été dès l'enfance préparés à toutes les luttes. Les revers les plus implacables, les catastrophes les plus soudaines pouvaient les frapper, mais non les abattre. Et pourtant, ils étaient irrémédiablement perdus, à moins d'un de ces miracles, hélas, trop rares en pareil lieu. Il leur était non seulement impossible de tenter un effort désespéré pour briser leurs liens et s'enfuir, mais encore, tout mouvement leur était interdit, tant leur bourreau avait multiplié les entraves autour de leurs membres. « Mes enfants, mes chers enfants !» murmura le proscrit, le cœur broyé par l'angoisse, mais le visage impassible. « Je crois que nous sommes perdus. Il ne nous reste plus qu'à nous préparer à mourir, et à mourir vaillamment. « Père, nous sommes prêts !» répondirent d'une seule voix les héroïques jeunes gens. « Père, je suis fier de te le dire au nom de mes frères et au mien, » reprit Henri. « Nous avons vécu sans reproche, nous mourrons sans peur. Je sais bien que vous êtes braves, chers enfants de ma souffrance et de mon amour. Je ne crains pas la défaillance. Mais puis-je penser que je vous verrai demain, sans défense, au milieu de cette meute hurlante de sauvages à la curée, que ce monstre à face humaine, ce rebut des bagnes, insultera votre agonie et que je ne pourrai même pas donner ma vie pour sauver la vôtre ? C'est bien lui, n'est-ce pas ? Dit de sa voix douce Eugène. C'est cet homme que tu as arraché des griffes du tigre quand tu as repris ta liberté. C'est lui, et vous êtes les victimes de ma bonne action. Et qu'importe la vie sans toi, dit à son tour Edmond. N'avons-nous pas bravé 100 fois la mort depuis le jour où l'on m'a enlevé de nos mains éplorées ? Cette lutte de tous les instants, entreprise à ce moment, et continuée toujours sans trêve ni merci, ne nous a-t-elle pas familiarisé avec l'idée d'une mort prématurée ? Père, nous ne regrettons que les grandes choses rêvées avec toi pour l'avenir de notre patrie d'adoption. Vous ne regrettez rien ? Interrogea d'une voix étranglée le proscrit dont l'œil fut brûlé par une larme. Rien, tu sais bien, père, qu'elle mourra de notre mort. Nulle allusion n'avait jusqu'alors été faite à leur mère par les intrépides enfants. À quoi bon des paroles ? Leur cœur n'était-il pas rempli par la pensée de cette adorable et vaillante créature ? Ne formait-il pas qu'une seule âme dans plusieurs corps ? N'était-elle pas présente à leur funèbre entretien ? Ils ne disaient même pas « notre mère ». Ils la désignaient par ce seul mot « elle ». Et cette appellation impliquait avec la pensée constante l'idée d'une collectivité dont tous les éléments étant essentiellement solidaires les uns des autres. « Pauvre Charles !» murmura d'un accent étouffé le malheureux père. « Charles est déjà un homme, » reprit fermement Henri. « Il recueillera notre héritage. » Il faut qu'il vive, qu'il personnifie notre idée. La grandeur de l'entreprise est à la hauteur de sa vaillance. Pendant que les Robinson de la Guyane, irrévocablement condamnés, assistaient vivants encore à leur veillée mortuaire, l'orgie commençait dans la clairière. Indien et forçat buvaient gloutonnement. Benoît seul restait sobre et maître de lui-même. Tinguy, complètement ivre, avait l'alcool triste. « Tu disais donc, chef ? » répétait-il pour la 10e fois. « Que le grand barbu qui est le père des jeunes est un ancien de là-bas ?»« Oui, » répliquait rageusement l'ancien surveillant, « fiche-moi la paix. » « Et comme ça » continua-t-il, avec son énervante ténacité d'ivrogne, « tu as eu affaire à lui dans des temps ?»« Oui, oui, assez, te dis-je. »« Alors c'est lui qui a coupé la face du tigre qui te rongeait une jambe ?»« Tu as une drôle de manière de payer tes dettes. »« Et tu vas le laisser comme ça charcuter par les peaux rouges ?»« Tiens. » « Veux-tu que je te dise, tu ne vaux pas un fagot. Un fagot, ça peut avoir un sentiment de reconnaissance. Mais t'as donc rien dans le ventre ? Moi, je ne voudrais pas qu'on le tue. C'est comme ma tante. Si c'était à recommencer... » Le bruit sourd d'un coup de poing coupa net la phrase. L'ivrogne culbuta, tomba jambe de scie, tête de lat sur un lit de feuilles, et finalement s'endormit. Le jour était près de paraître, et les apprêts du supplice allaient commencer. Les Indiens, accroupis près du feu sur leurs orteils, tressaient des manarets en fibres d'aroma. Ces manarets, au nombre de 4, devaient servir à emprisonner par le milieu du corps les mouches sans raison. Il y en avait un pour chaque victime. 2 émerillons étaient partis en découverte à la recherche de nids. L'heure était propice à la capture des héminoptères encore engourdis à cet instant matinal. Des tortionnaires amateurs faisaient provision d'épines de fromager et de kounanan. D'autres aiguisaient leurs sabres sur des plaques de diorite. D'autres, enfin, apprêtaient leurs flèches et façonnaient des boutous, espèces de boules et de bois dur remplaçant les pointes et destinées à étourdir les animaux sans les percer. Les prisonniers possédant une vigueur exceptionnelle, il était à supposer qu'ils pourraient endurer toute la série des supplices. Ils seraient alternativement piqués, troués, lardés, assommés puis découpés en menus morceaux. Quelle joie, pour ces naïfs enfants de la nature, de pouvoir apporter quelques tranches boucanées des hommes blancs et d'accrocher aux poutres de leurs carbets ces dépouilles enluminées de roucou. Ce piaille infaillible ne manquerait pas de rendre la tribu invincible. Car les blancs étant braves et forts entre tous, les possesseurs de ces talismans incomparables deviendraient du coup semblables à eux. Les apprêts de la lugubre cérémonie sont terminés. Le supplice va commencer. Les sons de la flûte indienne déchirent l'atmosphère épaisse qui baigne la forêt. Les guerriers ont fait une toilette de circonstance. Tous, sans exception, vermillonnés de roucou des pieds à la tête, semblent sortir d'un bain de sang. Des lignes bizarres, tracées au suc brun du génipa, forment sur ce fond sanglant des dessins fort curieux. Chacun a sa peinture particulière, comme les anciens croisaient leurs armoiries. Ils tiennent de la main gauche leur grand arc en bois de lettres, à cordes en fibre de mao, et le faisceau de longues flèches en tige de génirium. Tous ces projectiles ont été garnis à la base de plumes rouges de toucan ou de troupial. Ils ont arboré leurs colliers et leurs couronnes de plumes. Ces couronnes très curieuses dans la confection desquelles les Indiens déploient une adresse et une patience incroyables sont de trois sortes. Les unes sont blanches, les autres sont noires, et une troisième espèce est formée de quatre segments égaux, dont deux rouges et deux jaunes. Les blanches proviennent du poitrail d'une variété de toucan appelée crieur par les créoles et renfastus loco par les naturalistes. Les noires sont faites avec la huppe de l'agami, les dernières aux couleurs éclatantes sont fabriquées avec les plumes du cuicui, autre toucan nommé renfastus vitellinus. La partie supérieure de ces plumes est rouge vif, la partie inférieure jaune éblouissant. Quelques-unes sont en outre ornées de poitrails d'oiseaux-mouches d'une admirable nuance écarlate. Ces couronnes sont le nec plus ultra de l'élégance chez les peaux rouges, la coiffure des grandes solennités. Ils les serrent dans leur pagara et ne les exhibent qu'à bon escient. Akumbaka est superbe. Il porte avec autant de fierté qu'un général en chef, son panache blanc, un diadème en plumes jaunes de cacique, haute de 15 cm, et d'où émergent à la partie antérieure, comme des cornes, deux immenses plumes rouges enlevées à la queue d'un ara. Un quadruple rang de colliers noirs, rouge, blanc et jaune s'étage sur sa poitrine qui est utile comme un fond de pantalon garance. Il porte deux bracelets, l'un en dents de tigre, alternant avec des grains de chéri-chéri, l'autre en griffes de tama noir. Sur son calimbé en cotonnade s'étale un calimbé de grande tenue, en plumes bleues et rouges, orné à droite et à gauche des anneaux cornés formant le grelot des serpents à sonnette. Le chef est encore un peu ivre, il est à point, comme dit Benoît avec son nid de sourire. Cette pointe d'alcool est juste suffisante pour lui donner assez de hardiesse, sans qu'il ait à se préoccuper de rechercher la ligne verticale. Il s'avance, précédé de son flûtiste et flanqué de l'ancien surveillant. Derrière eux, marche en désordre et non sans oscillation, le gros de la troupe commandée par Bonnet et Mathieu. Tinguy, ivre-mort, ronfle à poing fermé sur sa litière de feuilles. La flûte se tait sur un signe du chef. Les guerriers s'arrêtent à 30 pas des Européens toujours assis et garrottés. Akumbaka fait encore 25 pas et leur adresse, par l'entremise de Benoît, une courte allocution. L'illustre capitaine qui vient déjà est plein d'admiration pour le courage des hommes blancs. Il leur réserve la mort des braves. L'offrande de leurs existences sera d'autant plus agréable à Massagadou et les mânes du piaille dont ils ont causé le trépas prématuré seront dignement honorées. Pour leur montrer combien il a d'estime pour leur intrépidité, le trois fois grand Akumbaka leur appliquera lui-même sur la poitrine et sur les flancs les guêpes irritées. Le chef blanc ayant pris la forme d'une guêpe pour tuer le piaille, il faut que ses complices et lui subissent d'abord le supplice des guêpes. Puis les guerriers rouges leur traceront sur le corps des cercles en génipa et montreront leur adresse en plantant au milieu de ces circonférences leurs flèches qui n'attaqueront aucun organe essentiel. La seconde partie du divertissement sera réglée ultérieurement. Et maintenant, les blancs vont souffrir, qu'ils entonnent leur chant de guerre. Le chef peau rouge fait un signe. Quelques-uns de ses hommes se détachent du groupe, soulèvent les malheureux prisonniers, les dressent le long de quatre troncs auxquels ils les amarrent solidement. les Robinson se sentent perdus. Leur corps éprouve une suprême révolte à celui de contact. Leurs muscles puissants se contractent furieusement pour briser les liens qui ensanglantent leur chair. Efforts inutiles, hélas, et dont la stérilité amène un sourire sardonique sur les lèvres du scélérat qui épie sur leurs traits un signe de douleur ou de défaillance. « Allons !» dit-il impatiemment à Kombaka. « Fais vite ! Les Blancs n'ont pas de champ de guerre. » L'Indien, étonné, se met en devoir d'obéir. Il prend des mains d'un de ses compagnons à Manaret et s'avance lentement, suivi de Benoît qui marche un pas derrière lui, en couvrant à chaque enjambée la trace de son pied. Le cérémonial le veut ainsi. Les guêpes furieuses emprisonnées au flanc dans l'émail des tamis bourdonnent et agitent leurs ailes. De leurs abdomens, renflés, mobiles, annelés d'or, surgissent alertes et rigides les dards emperlés de sucs vénéneux. La douleur va être atroce. Abkombaka lève les bras et abaisse l'instrument de torture sur la poitrine du proscrit. C'en est fait. « Du courage, enfant, » dit-il de sa voix calme. Au moment où les guêpes vont toucher l'épiderme nu du blanc, le peau rouge s'arrête pétrifié comme à la vue d'un serpent. Il veut faire un bond en arrière, mais il heurte rudement Benoît qui roule sur le sol. Le canon d'un fusil à deux coups surgit du rideau de liane et s'appuie soudain sur un des arcabas de l'arbre auquel Robin est attaché. Un blanc flocon de fumée jaillit de l'arme, une sourde détonation retentit, Abkombaka écarte les bras et s'abat le crâne fracassé sur le surveillant qui pousse un épouvantable hurlement de douleur. Le Manaret échappant à la main mourante du peau rouge est tombé sur la face du misérable et les guêpes affolées le lardent furieusement. Un second coup de feu arrête soudain les Indiens qui veulent se précipiter au secours de leur chef. Une charge de chevrotine pénètre en sifflant au milieu de leur groupe compact, le sang ruisselle, des cris de terreur se mêlent au gémissement des blessés, le désordre est à son comble. Les trois forçats se sont lâchement enfuis les premiers, en abandonnant leur chef, aveuglé, tuméfié, boursouflé, horrible. La fumée du second coup n'est pas encore dissipée que Robin, assourdi par la détonation, voit bondir devant lui un nègre d'une taille colossale, nu de la tête aux pieds, le front encerclé d'un bandeau sanglant. De sa poitrine d'athlète noire sort un cri formidable qui tonne sous la feuillée. « Ouak ! Ouak ! Bonnie ! Bonnie !» Deux autres noirs, des jeunes gens qui ne lui cèdent ni en vigueur ni en stature, s'élancent près de lui en rugissant leurs cris. Les Indiens épouvantés détalent comme des cariacous devant les trois géants. Les liens des prisonniers sont tranchés en un tour de main, la clairière est vide, ils sont libres. Les trois libérateurs, ne jugeant pas prudent de leur donner la chasse, s'arrêtent et contemplent les Robinson d'un air respectueux et attendri. Le plus âgé, celui qui porte un bandeau, se jette dans les bras de Robin qui le reconnaît et s'écrie « Angusso, mon brave Bonnie, c'est toi » « Moi-même, » dit le noir radieux, « Sam aux enfants, Lomi et Bachelico, Romo content, content oui !» Vous dire si le bon noir et ses fils furent embrassés, fêtés, choyés par les Robinson serait superflu. Leur amitié antérieure et l'immensité du service rendu présentement dispensent de tout commentaire. Ils se retirèrent sans plus tarder après les premiers épanchements, car les Indiens pouvaient opérer un retour offensif. Les Blancs se trouvaient sans armes et brisés tant par la chute des arbres que par les entraves qui avaient pendant près de 15 heures meurtri leurs membres. Il eût été imprudent de courir les chances d'une lutte, pour le moins douteuse, contre les Émerillons. Angusso ne voulut pourtant pas quitter la clairière sans terminer la bataille par l'épilogue obligatoire. Il passa sur le bord de son ongle le tranchant de son sabre, dont le fil lui parut bonbon. Puis, gravement, comme s'il remplissait une sorte de sacerdoce, il saisit par ses longs cheveux la tête de feu à Kombaka, son vieil ennemi, et lui coupa le cou le plus proprement du monde. Il présenta ensuite son arme à Robin, afin qu'il pût aussi faire à Benoît immobile la même opération, mais le proscrit lui fit comprendre que les Blancs ne frappaient jamais un ennemi à terre. « Comme vous voudrez, compère, c'est l'habitude des hommes de ma race. Un homme ne revient pas quand il est en deux morceaux. » Il se pencha sur le surveillant et vit qu'il respirait encore, mais faiblement. « L'y pas mouri, » dit-il. « Qu'importe, » reprit Robin. « Il ne peuple rien contre nous. Les fourmis le dévoreront bientôt. Je ne veux pas souiller mes mains du contact de cet être immonde. » Il reprit lentement le chemin de la bonne mère en s'appuyant sur des bâtons. La réaction s'opérait brusquement et leur souffrance devenait intolérable. Eugène et Edmond, moins robustes que leur frère Henri et surtout que leur père, ne marchait qu'avec des peines infinies en dépit du secours fraternellement prêté par Lomi et Bachelico. Angosso, après avoir rechargé son fusil, formait l'arrière-garde et s'avançait portant imperturbablement la tête d'un kumbaka qu'il tenait par une poignée de cheveux. « Voyons, Angosso, que veux-tu faire de cette tête ?» lui demanda doucement Robin. « Attendez un peu, compère, vous verrez. » L'attente ne fut pas bien longue. Au bout d'une heure, ils rencontrèrent une crique profonde dont le courant était hérissé de roches noirâtres. Le body fureta de tous côtés et finit par découvrir entre ces roches des trous circulaires du diamètre de la cuisse d'un homme robuste. « Ah, très bien, voici la demeure du tatou. » Il arracha un fragment de pierre, fit glisser la tête dans un des trous, le boucha et s'en alla tranquillement. Le proscrit lui demanda l'explication de cette bizarre cérémonie, et Angosso ne fit aucune difficulté pour la lui donner. « Al-Kumbaka étant mort, dit-il, va se présenter devant Gadou, et le priera de lui donner sa place avec les autres chefs peaux rouges. Mais Gadou ne le reconnaîtra pas, puisqu'il n'aura plus sa tête. Il ne voudra pas le recevoir. Gadou, qui est très bon, demandera aux fourmis si elles ont mangé la tête. Les fourmis diront non. Aymara, demandera encore Gadou, as-tu mangé la tête de ce peau rouge ? L'Aymara dira non. Gadou demandera encore à la maman Boma, la maman couleuvre, si elle a mangé la tête du chef. Non, répondra la Boma. Alors, le tatou, qui est un animal impur, viendra sans être appelé. C'est moi qui ai mangé la tête du peau rouge, dira-t-il. Méchant tatou, tatou maudit, va-t'en chez Yolok, le diable, ton maître. Gadou ne te connaît pas. Bon, dira le méchant tatou, j'y vais. Yolok recevra son compère tatou, et le corps d'Akumbaka le suivra malgré lui. Yolok donnera ce corps une tête de tatou, et le chef sera toujours immonde et maudit.